وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Nous parlerons du verset de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, où Allah jalla wa ala nous dit: il a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer sur vous, et il a propagé des animaux et des bestiaux de toute espèce, et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couples de toute espèce. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais certes, les injustes sont dans un égarement évident. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في وقتنا وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il nous bénisse dans notre temps et qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. يقول الله تبارك وتعالى. Allah تبارك وتعالى nous dit: خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir. Sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, qu'Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, cette parole, rappelle à ses serviteurs cette énorme preuve et cet énorme signe devant lequel les gens passent tous les jours et toutes leurs nuits, mais en sont distraits, et en sont insouciants, et en sont malheureusement indifférents. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Il a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir. Tels sont les sept cieux, sab'u samawat, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala: هو الذي خلق لكم ما في السماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et c'est lui l'omniscient. Et Allah nous dit également: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah est celui qui a créé sept cieux et autant pour les terres. Et entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité capable de toutes choses, et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir et de sa science. Il a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir. Tel est le pouvoir absolu d'Allah Jalla wa Ala. Telle est la capacité parfaite d'Allah Jalla wa Ala, qui n'a aucune limite et qui n'a aucune frontière. Cette énorme preuve, ayol ikhwa, cet énorme signe, devant lequel malheureusement nous passons distraits, et insouciants, et indifférents. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Comment donc tiennent ces cieux? Comment donc ces cieux tiennent alors sur place? Et avec quoi Allah Jalla wa Ala les a montés et élevés? Et avec quoi il les a créés? Ces cieux, ayyuha al-ikhwatul kiram, tiennent par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Ces cieux tiennent par la volonté et la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et par son ordre absolu, jalla jalaluh. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Il a créé les cieux sans piliers. بِغَيْرِ عَمَدٍ, sans piliers. Les gens, annas, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'ils désirent construire un plafond, ils nécessitent, ils ont besoin incontestablement des piliers afin que ce plafond tienne et ne s'écroule pas sur les gens. Mais Allah, Jalla wa Ala, a certes créé les cieux, as-samawat, sans piliers. Ni colonne, ni pylône. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Il a créé les cieux sans pilier que vous ne puissiez voir, sans que vous ne puissiez voir avec vos yeux. Et ceci nous prouve et nous montre et nous justifie le pouvoir absolu d'Allah Jalla wa Ala. La capacité absolue d'Allah Jalla Jalaluhu. خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans pilier que vous ne puissiez voir. إنها قدرة الله. Tel est le pouvoir d'Allah et la capacité d'Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء. Êtes-vous, vous, plus dur à créer que le ciel. أأنتم أشد خلقا أم السماء. بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Êtes-vous plus dur à créer que le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, et il a assombri sa nuit, et il a fait luire son jour. C'est ainsi la preuve qu'Allah Jalla wa Ala nous rappelle et nous évoque dans beaucoup de ses versets de son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim. Lorsque Nuh alayhi salatu wa salam s'est adressé à son peuple et les prêcha à Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ce dont il leur rappela et il leur évoqua la création d'Allah des cieux, as-samawat. Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, par la langue de Nuh alayhi salam, alam tarau kayfa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa, wa ja'ala al-qamara fihinna nura, wa ja'ala al-shamsa siraja. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés, et a fait de la lune une lumière, et du soleil une lampe? خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir. Et Allah nous dit également dans sourate Ar-Ra'd, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir, sans piliers visibles et apparents. Et ne connaît la distance entre chaque cieux, ayyuha al-ikhwa, que celui qui connaît les secrets même les plus cachés. Que celui qui connaît les secrets même les plus cachés. خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir. Puis Allah تبارك وتعالى nous dit ensuite: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. Il a enfoncé des montagnes fermes, أيها الإخوة, afin que la terre ne tremble pas à vos pieds, afin que la terre, l'ard, ne bascule pas à vos pieds. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا. Il a enfoncé des montagnes fermes, فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ, dans la terre, pour l'empêcher de basculer avec vous, afin qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne se souque pas et qu'elle ne tremble pas. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Ces montagnes ainsi, qui sont ancrées et qui sont enfoncées de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes apparences, qui frappent les nuages par leur énorme taille, qui tapent les nuages par leur énorme hauteur et altitude. وَمِنَ الْجِبَالِ. Et comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, dans son musnad selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, lorsqu'Allah, jalla wa ala, créa la terre et l'ard, elle commença à se frapper et se remuer et bouger et secouer. Allah, jalla wa ala, créa alors les montagnes et le jibel, et les plaça sur la terre. La terre et l'ard resta fixe alors. Elle se mit à se fixer. Et alors les anges al-Malaïka s'étonnèrent de la création des montagnes al-Jibel. Et alors ils dirent, Ya Rab, ô Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus puissant que les montagnes al-Jibel? Allah Ta'ala répondit alors, Na'am, oui, le fer al-Hadid. Et alors les anges al-Malaïka dirent alors, Ya Seigneur, Ya Rab, y a-t-il quelque chose de plus puissant que le fer al-Hadid? Et alors Allah répondit, Na'am, le feu an-Nar. Et alors les anges dirent, Ya Rab, ô Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus puissant que le feu an-nar? Et alors Allah répondit, Na'am, l'eau al-ma. Et alors les anges dirent, ô Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus puissant que l'eau al-ma? Et alors Allah Jalla wa Ala répondit, Na'am, le vent al-rih. Et alors al-malaïka, les anges, questionnèrent son Seigneur et disent, Ya Rab, y a-t-il quelque chose de plus puissant que le vent al-rih? Et alors Allah tabaraka wa ta'ala répondit, Na'am, oui, Ibn Adam, le fils de Adam, lorsqu'il donne une aumône avec sa main droite et qu'il la cache sans que sa main gauche ne sache ce qu'elle a donné. خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans pilier que vous ne puissiez voir. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer sur vous. والجبال أرساها. Quant aux montagnes, il les a ancrées. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Pour votre jouissance, c'est vous et vos bestiaux. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit: وبث فيها من كل دابة. Et il y a propagé des animaux et des bestiaux de toute espèce. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala créa sur cette terre l'arbre, des animaux et des bestiaux de toute espèce et les répandit alors. الدابة أيها الإخوة الكرام signifie tout ce qui marche sur la terre l'arbre. Ainsi parmi les humains et parmi les animaux et parmi les volatiles. وبث فيها من كل دابة. Il y a propagé des animaux de toute espèce. Car Allah tabaraka wa ta'ala huwa khaliqu kulli shay. C'est lui le créateur de toutes choses. Et ainsi, la création également de tous les animaux. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah a créé d'eau tout animal. Faminhum man yamshi ala batni. Waminhum man yamshi ala rijlain. Waminhum man yamshi ala arba. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur leur ventre, d'autres qui marchent sur deux pattes, d'autres encore sur quatre. Allah crée ce qu'il veut et c'est lui le capable de toutes choses. Et avec le fait que ce soit Allah Jalla wa Ala qui ait créé ces animaux et ces bestiaux, c'est lui seul également qui subsiste à leurs besoins. Tabaraka wa ta'ala et personne d'autre. C'est lui qui subvient à tous ces bestiaux et tous ces animaux et toutes ces créatures. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Et il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Il connaît leur destination et leur dépôt. كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tout est dans un livre explicite. Et Allah nous dit également: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Parmi ces signes et ces preuves, la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés, et il a en outre le pouvoir de les réunir lorsqu'il le voudra. Parmi ces êtres vivants, ikhwatul kiram, il y en a également que nous ne connaissons même pas. Il y a des êtres vivants que nous connaissons et il y a des êtres vivants que nous ne connaissons même pas. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et il crée ce que vous ne connaissez pas. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Il a créé des cieux sans piliers que vous ne puissiez voir. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, et par l'imam Nasa'i dans son Sunan, et par l'imam Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son livre As-Sahih Al-Jami', selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: diminuez vos sorties lors de l'obscurité de la nuit, car certes Allah détient ses créatures et ses bestiaux qu'il répand à cette heure-là. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. Il y a propagé des animaux de toute espèce. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Et ici nous remarquons, ayol ikhwatul kiram, qu'Allah Jalla wa Ala a cité et a évoqué le pronom personnel au pluriel, nahnu, nous. Nous avons descendu de ce ciel une eau. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité ce pronom personnel au pluriel afin d'évoquer et de rappeler sa grandeur à ta'zim d'Allah Jalla wa Ala. Alors soyez attentifs, ayol ikhwatul kiram, Allah Jalla wa Ala a évoqué et cité le pronom personnel au pluriel, وَأَنْزَلْنَا, et nous avons fait descendre au pluriel afin d'informer sur sa grandeur à ta'zim. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce, avec laquelle, ayo l'ikhwa, avec cette eau, Allah a fait descendre des plantes productives par couple de toute espèce. Et ceci est une autre preuve, ayo l'ikhwa, qui nous prouve l'omnipotence, le fait qu'Allah est capable de toutes choses. Et sa parfaite sagesse, al-hikmatul baligha, et sa large miséricorde, qu'Allah jalla wa ala ait fait descendre d'une eau et fait descendre du ciel, une eau étant la cause parmi les causes de la vie, asbabul hayah. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante, ne croit-il donc pas? وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et du ciel nous avons fait descendre une eau. Et une autre chose étonnante, ayol ikhwa, parmi les créatures et les créations étonnantes, qu'Allah Jalla wa Ala fasse descendre sur ses serviteurs avec cette eau, et qu'il fasse miséricorde avec cette eau qui est la cause de la vie, al-haya, une cause parmi les causes de la vie. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productibles par couple de toute espèce. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Ahmad selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit: Allah créa la terre le jour du dimanche. Allah créa la terre le jour du samedi. Et il créa les montagnes le jour du dimanche. Et il créa les arbres le jour du lundi. Et il créa les choses détestables le jour du mardi. Et il créa la lumière le jour du mercredi. Et il répandit les animaux le jour du jeudi. Et il créa Adam alayhi salam après salatul asr, le jour du vendredi al-jumu'ah, la dernière heure entre l'asr et la nuit al-layl. Et du ciel nous avons fait descendre une eau. Cette eau, ayo l'ikhwa, al-ma, cette eau qui est un bienfait qu'Allah jalla wa ala accorde sur ses serviteurs. Cette eau sans laquelle nulle créature ne pourrait vivre. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed également, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, celui-ci dit au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, lorsque je te vois, mon âme s'apaise et mon œil se réjouit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, lorsque je te vois, mon âme s'apaise et mon œil se réjouit. Informe-moi de donc sur toute chose. Ya Rasulallah. Et alors Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: toute chose a été créée à partir d'eau. Toute chose a été créée à partir d'eau. Wa anzalna min as-sama'i ma'a. Et du ciel nous avons fait descendre une eau. Cette eau, ayol ikhwa, qui remplit les mers, al-bihar, qui descend du ciel, as-sama'. Et avec quoi sortent les sources, al-uyun? Allah jalla wa ala l'a rendu une cause parmi les causes de la vie, al-haya. Aucune créature ne peut se passer de cette eau. Et c'est ainsi parmi les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala sur nous. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau. Cette eau descend ainsi d'une organisation bien précise. Et selon une organisation bien précise entre le ciel et la terre, بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et le fait de faire pousser les plantes, ayyuhal ikhwa, vers cette eau est également une chose très étonnante. Parmi les choses étonnantes de la création, al-khalq, et un autre miracle, parmi les miracles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et certes le Qur'an, ayyuhal ikhwa, le livre d'Allah azza wa jal, prouve et confirme qu'Allah jalla wa ala a créé toutes les plantes mâles et femelles. Et ceci a été découvert par la science moderne il y a très peu de temps. Le Qur'an, le livre d'Allah jalla wa ala, confirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les plantes mâles et femelles. Car il a été prouvé par expérience que les plantes et les fruitiers, le fruit ne peut pousser que s'il y a une fécondation entre la plante mâle et femelle. Comme pour l'être humain et pour les animaux. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Et Allah nous dit également tabaraka wa ta'ala: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Et ainsi Allah nous dit, puisque c'est lui qui connaît la création, tabaraka wa ta'ala, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant et le parfaitement connaisseur. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Et nous avons fait pousser avec cette eau des plantes productives par couple de toute espèce. Regardez, ayyuhal ikhwatul kiram, comment Allah a décrit ces plantes par couple de toute espèce, toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. Comme Allah jalla wa ala nous dit: وَنَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. rizqan lil ibad, et avec laquelle cette eau, nous avons fait pousser des jardins, et le grain que l'on moissonne, ainsi que des hauts palmiers au régime superposé, telle une subsistance pour les serviteurs. Ainsi Allah a fait descendre cette eau du ciel. Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'a fatusbihu al-ard mukhtarra. Inna Allah latifun khabir. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel? Sa terre alors devient verte. Allah est certes plein de bonté et parfaitement connaisseur. Ayyuha al-ikhwatul kiram, avec cette même eau poussent différentes plantes de différentes couleurs. Ces plantes poussent et en différentes formes et différentes couleurs et différents goûts. Parmi elles nous mangeons, parmi elles nous buvons, parmi elles nous nous peignons, parmi elles nous allumons du feu, parmi elles nous nous embellissons, parmi elles nous nous cachons, tout cela ayant des goûts différents et des formes différentes et des apparences différentes, tout cela est nourri par une seule et une même eau. Tout cela est nourri par une seule et une même eau. Allah Jalla wa Ala nous dit: wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, et des jardins plantés et des vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou bien espacés, arrosés d'une même eau. Arrosés d'une même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Voilà bien des preuves pour des gens qui raisonnent. Ces plantes et ces fruits, avec leurs formes et leurs couleurs différentes, avec leurs goûts différents, il y en a des sucrés, il y en a des amers, il y en a des succulents, d'autres moins succulents. Tout cela arrosé de la même eau. Tout cela arrosé de la même eau elle-même. Et telle est une grande preuve de la capacité de faire toute chose, l'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a surpassé et dépassé toutes les raisons et tous les esprits. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit à la suite de cela: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Telle est la création d'Allah. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Telle est la création d'Allah. Et c'est ici, ayyuha al-ikhwatul kiram, que commence et débute le défi de la part d'Allah Jalla wa Ala avec les athées et les renieurs al-mulhidin et avec les mécréants distraits al-kafirin al-ghafilin. Hada khalqullah. Telle est la création d'Allah. Telles sont les créatures d'Allah Jalla wa Ala. Telle est l'art d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hada khalqullah. Telle est la création d'Allah. Fa'aruni mada khalaqa alladhina min duni. Montrez-moi donc ceux qu'ont créés, ceux qui sont en dehors de lui. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui, parmi ses égaux, parmi ses divinités, parmi ses adorés, parmi ses tawarites, parmi ses idoles, ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Jalla wa Ala dans ce monde ad-dunya. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Montrez-moi donc ceux qui ont été créés, ceux qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Telle est la création d'Allah, celui qui a tout créé. الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. كما الله تبارك وتعالى نجي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Et Allah جل وعلا nous dit également: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés. Et Allah nous dit également: قل أرأيتم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dites, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montre-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou bien ont-ils été associés à la création des cieux? Ou bien leur avons-nous apporté un livre qui contiennent des preuves pour ce qu'ils font et qu'ils agissent? Mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes al-zalimoun se font des promesses les uns les autres. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Telle est la création d'Allah. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Alors montrez-moi ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Car beaucoup de gens, ayyuha al-ikhwa, de notre époque et de notre temps, ont nié et contesté que le Créateur Jalla wa Ala existe. ont nié et contesté l'existence du Créateur tabaraka wa ta'ala, parmi ceux à qui Allah a aveuglé le cœur al-qalb, parmi ceux à qui Allah a aveuglé les yeux, parmi les athées et les renières al-mulhidoun, ceux qui disent qu'il n'y a pas de divinité, wal-iyadu billah, ceux qui disent que la vie est une chose matérielle, ceux qui disent que la vie n'est comme une terre qui avale, et ainsi de suite, ils ont nié et ils ont contesté l'existence de leur Créateur, l'existence de leur Seigneur, c'est celui, alors que c'est celui qui les subsiste nuit et jour. Alors que c'est lui qui les a créés, et c'est lui qui les fait mourir, c'est lui qui les fera revivre, c'est lui qui les ressuscitera le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyam. Beaucoup de gens ont nié et contesté l'existence du Créateur tabaraka wa ta'ala, alors que ceux-là connaissent beaucoup de choses dans cette science et dans cette création, à part le Créateur de cette planète tabaraka wa ta'ala. Ils connaissent toutes choses, sauf Allah jalla wa ala. Ils ont découvert toutes choses, sauf le Seigneur tabaraka wa ta'ala. Nous les voyons voler loin et haut dans les cieux et dans l'espace. Et ils sont allés profondément dans les profondeurs des océans. Ils ont cassé l'atome. Ils ont transformé le monde entier en une petite ville avec les moyens de communication. Sauf qu'ils ont nié et contesté l'existence du Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi wa Sama. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun, am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils eux les créateurs? Car parmi eux il y en a qui disent que ce monde s'est créé par lui-même. Ainsi la terre a créé la terre et le ciel a créé le ciel et ainsi de suite, et ce monde s'est créé par lui-même selon eux. Et cela est une vision caduque et non valable et non acceptée. Car ce monde, avant d'être là, il y avait le néant Al-Adam. Et ce néant ne peut créer quelque chose, car c'était du néant lui-même. Est-ce que de rien du tout, ce rien du tout peut créer quelque chose? Bien sûr que non. Et ceci est une parole caduque et non valable. Et Allah Jalla wa Ala a dit, en défiant ses nieurs et ses contestataires, « Fi surati tour, am khuliqu min ghayri shay. » Am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils eux les créateurs? Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun, ont-ils eux créé les cieux et la terre mais ils ont plutôt aucune conviction. Et lorsque le messager d'Allah alayhi salat wa salam récita ce verset de sourate at-tur lors de la prière, lors de salat al-maghrib, Jubayr ibn Mut'im radiyallahu an l'avait entendu avant de se convertir, et alors il dit, lorsque je l'ai entendu, mon cœur a presque volé et sa foi rentra dans son cœur. Car ce verset de Sourate At-Tur est parmi les plus grandes preuves basées sur la raison al-aql, prouvant et justifiant l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Am khuliqu min ghayri shay, ont-ils été créés à partir de rien? Car ils ne se sont pas créés eux-mêmes et ils n'ont pas créé les cieux et la terre. D'où sont-ils donc venus? D'où ont-ils été donc créés? Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils eux les créateurs? Am khalaqu as-samawati wal ard, ou bien ont-ils créé les cieux et la terre? Bal la yuqinun, mais ils ont plutôt aucune conviction. Car tout effet et toute action a obligatoirement une cause. Tout ce qui a été créé doit forcément avoir un créateur. Et le grand savant As-Safarini rahimahullah ta'ala nous dit, les effets et la chose prouvent d'elles-mêmes l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi Allah jalla wa ala nous dit, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء وبث فيها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour et dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre lorsqu'elle est morte, et qui y répand de bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre les cieux et la terre, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Pour un peuple qui raisonne et qui réfléchit, et qu'Allah fasse miséricorde au Bédouin al-Arabi, qui n'étudia dans aucune université, et qui n'étudia dans aucun institut, lorsqu'il fut questionné quant à la preuve de l'existence d'Allah Jalla wa Ala. Ce Bédouin al-Arabi, intelligent et éveillé, répondit alors, le crottin nous prouve l'existence et le passage du chameau, et les traces de pas nous informent d'un passant, un ciel avec des nuages, une mer avec des vagues, et une terre vaste et spacieuse. Tout cela nous prouve donc de l'existence du doux et du tout connaisseur Allah Jalla wa Ala. Demande à l'eau, demande au désert, demande aux montagnes, demande aux fleurs, demande à la nuit, demande au matin, demande aux oiseaux, demande à la terre et au ciel, demande à toutes choses, tu entendras l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. Si cette nuit durait et se prolongeait, qui d'autre que mon Seigneur ramènerait le matin une seconde fois? Demande au docteur qui est tombé malade, ô toi qui prétends guérir, qui est-ce qui t'a rendu malade? Demande au malade qui a guéri, après que tous les arts de la médecine ont échoué, qui est-ce qui t'a guéri? Demande au bon portant, qui mourut sans maladie, qui est-ce qui t'a fait mourir? Et lorsque tu vois l'aveugle marcher sans trébucher et sans tender, demande-lui, ô toi l'aveugle, qui est-ce qui guide tes pas? Et demande au voyant qui lui tombe dans un fossé, qui est-ce qui t'a emmené dans ce fossé? Et lorsque tu vois le serpent cracher de son venin, demande-lui, ô toi le serpent, qui t'a empli de ce venin? Et demande-lui, ô toi le serpent, avec ce venin qui remplit ta bouche, comment est-ce que tu survis? Toutes ces choses et tous ces signes, ayol ikhwa, nous prouvent de l'existence et de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. A ilahum ma Allah. Y a-t-il ainsi une divinité avec Allah jalla wa ala? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, amman khalaqa as-samawati wal-ard, wa anzala lakum min as-samai ma'a, fa anbatna bihi hadaiqa dhat bahja, ma kana lakum an tunbitu shajaraha. A ilahum ma Allah. Bal hum qawmun ya'diloun. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre? N'est-ce pas lui qui vous fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capables de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? N'est-ce pas lui qui a placé des rivières à travers cette terre et qui lui a assigné des montagnes fermes? N'est-ce pas lui qui a établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité entre qu'Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? N'est-ce pas lui qui enlève le mal? N'est-ce pas lui qui vous fait succéder sur terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais c'est rare que vous vous rappeliez. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la mer et de la terre? N'est-ce pas lui qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce et sa miséricorde? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Certes, Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. N'est-ce pas lui qui commence la création puis qui la refait? N'est-ce pas lui qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? قُلْ, dit, apportez-vous et apportez votre preuve, si certes vous êtes véridique. Allah Jalla wa Ala nous dit, خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Allah nous dit, Allah a créé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous, et il y a propagé des animaux de toute espèce, et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Mais certes, les injustes sont dans un égarement évident. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والثواب في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.